Je continuerai donc d'écrire les choses du moment actuel de ma vie. Je ferai connaître ces choses par les lettres qu'il m'arrivera d'écrire sur les chemins ou pendant mes divers séjours. Je lirai les faits intermédiaires par un journal qui remplira les temps laissés entre les dates de ces lettres. À Madame Récamier, Lyon, mercredi 18 mai 1831. Me voilà trop loin de vous. Je n'ai jamais fait de voyage si triste. Temps admirable, nature toute parée, rossignol chantant, nuit étoilée, et tout cela pour qui? Il faudra bien que je retourne où vous êtes, à moins que vous ne veniez à mon secours. À Madame Récamier, Lyon, vendredi 20 mai. J'ai passé hier le jour à errer au bord du Rhône. Je regardais la ville où vous êtes née, la colline où s'élevait le couvent où vous aviez été choisie comme la plus belle, espérance que vous n'avez point démentie. Et vous n'êtes point ici, et des années se sont écoulées, et vous avez été jadis exilée dans votre berceau, et Madame de Staël n'est plus, et je quitte la France. De ces anciens temps, un personnage singulier m'a apparu. Je vous envoie son billet à cause de l'inattendu et de la surprise. Ce personnage, que je n'avais jamais vu, plante des pins dans les montagnes du Lyonnais. Il y a bien loin de là, à la rue Feydeau, et à Maison à Vendre, comme les rôles changent sur la terre. Hyacinthe m'a mandé les regrets et les articles de journaux. Je ne vaux pas tout cela. Vous savez que je le crois sincèrement 23 heures sur 24. La 24e est consacrée à la vanité, mais elle ne tient guère et passe vite. Je n'ai voulu voir personne ici. Monsieur Thiers, qui se rendait dans le midi, a forcé ma porte. Billet inclus dans cette lettre. Un voisin, votre compatriote, qui n'a d'autre titre auprès de vous qu'une profonde admiration pour votre beau talent et votre admirable caractère, désirait avoir l'honneur de vous voir et de vous présenter l'hommage de son respect. Ce voisin de chambre dans l'hôtel, ce compatriote, s'appelle Elviou. À Madame Récamier, Lyon, dimanche 22 mai. Nous partons demain pour Genève, où je trouverai d'autres souvenirs de vous. Reverrai-je jamais la France, quand une fois j'aurai passé la frontière? Oui, si vous le voulez, c'est-à-dire si vous y restez. Je ne souhaite pas les événements qui pourraient m'offrir une autre chance de retour. Je ne ferai jamais entrer les malheurs de mon pays au nombre de mes espérances. Je vous écrirai mardi 24 de Genève. Quand reverrai-je votre petite écriture, sœur cadette de la mienne? Genève, mardi 24 mai. Arrivé hier ici, nous cherchons des maisons. Il est probable que nous nous arrangerons d'un petit pavillon au bord du lac. Je ne puis vous dire comme je suis triste en m'occupant de ces arrangements. Encore un autre avenir. Encore recommencer une vie quand je croyais avoir fini. Je compte vous écrire une longue lettre quand je serai un peu en repos. Je crains ce repos, car alors je verrai sans distraction ces années obscures dans lesquelles j'entre le cœur si serré. À Madame Récamier, 9 juin 1831. Vous savez qu'il s'est établi une secte réformée au milieu des protestants. Un des nouveaux pasteurs de cette nouvelle église est venu me voir et m'a écrit 2 lettres dignes des premiers apôtres. Il veut me convertir à sa foi et je veux en faire un papiste. Nous joutons comme au temps de Calvin, mais en nous aimant en fraternité chrétienne et sans nous brûler. Je ne désespère pas de son salut. Il est tout ébranlé de mes arguments pour les papes. Vous n'imaginez pas à quel point d'exaltation il est monté, et sa candeur est admirable. Si vous m'arrivez accompagné de mon vieil ami Ballanche, nous ferons des merveilles. Dans un des journaux de Genève, on annonce un ouvrage de controverse protestante. On engage les auteurs à se tenir fermes parce que l'auteur du génie du christianisme est là, tout près. Il y a quelque chose de consolant à trouver une petite peuplade libre, administrée par les hommes les plus distingués, et chez laquelle les idées religieuses sont la base de la liberté et la première occupation de la vie. J'ai déjeuné chez M. de Constant, auprès de Mme Necker, sourde malheureusement, mais femme rare de la plus grande distinction. Nous n'avons parlé que de vous. J'avais reçu votre lettre, et j'ai dit à M. de Sismondi ce que vous écrivez d'aimable pour lui. Vous voyez que je prends de vos leçons. Enfin, voici des vers. Vous êtes mon étoile, et je vous attends pour aller à cette île enchantée. Delphine mariée. Ô muse, je vous ai dit dans ma dernière lettre pourquoi je ne pouvais écrire ni sur la pairie, ni sur la guerre. J'attaquerai un corps ignoble dont j'ai fait partie, et je prêcherai l'honneur à qui n'en a plus. Il faut un marin pour lire les vers et les comprendre. Je me recommande à monsieur Lenormand, votre intelligence suffira aux trois dernières strophes, et le mot de l'énigme est au bas. Le naufragé. Rebut de l'Aquilon, échoué sur le sable, vieux vaisseau fracassé dont finissait le sort, et que, dur charpentier, la mort impitoyable allait dépecer dans le port. Sous les ponts désertés, un seul gardien habite. Autrefois, tu l'as vu sur ton gaillard d'avant, impatient d'écueil, de tourmente subite, siffler pour ameuter le vent. Tantôt sur ton beaupré, cavalier intrépide, il riait quand, plongeant la tête dans les flots, tu bondissais. Tantôt du haut du mât rapide, il criait terre aux matelots. Maintenant retiré dans la carène usée, teint hâlé, front chenu, main goudronnée, yeux père, sablier presque vide et boussole brisée, annonce l'ermite des mers. Vous pensiez défaillir, amarrés à la rive, vieux vaisseau, vieux nocher, vous vous trompiez tous deux. L'ouragan vous saisit et vous traîne en dérive, hurlant sur les flots noirs et bleus. Dès le premier récif, votre course bornée s'arrêtera. Soudain, vos flancs s'entr'ouvriront, vous sombrez, c'en est fait, et votre ancre écornée glisse et laboure en vain le fond. Ce vaisseau, c'est ma vie, et ce rocher, moi-même. Je suis sauvé. Mes yeux, ô mer, sont arrachés. Un astre m'a montré sa lumière que j'aime quand les autres se sont cachés. Cette étoile du soir qui dissipe l'orage et qui porte si bien le nom de la beauté, sur l'abîme calmé conduira mon naufrage à quelque rivage enchanté. Jusqu'à mon dernier port, douce et charmante étoile, je suivrai ton rayon toujours pur et nouveau, et quand tu cesseras de luire pour ma voile, tu brilleras sur mon tombeau. À Madame Récamier, Genève, 18 juin 1831. Vous avez reçu toutes mes lettres, j'attends incessamment quelques mots de vous. Je vois bien que je n'aurai rien, mais je suis toujours surpris quand la poste ne m'apporte que les journaux. Personne au monde ne m'écrit que vous. Personne ne se souvient de moi que vous, et c'est un grand charme. J'aime votre lettre solitaire, qui ne m'arrive point, comme elle arrivait au temps de mes grandeurs, au milieu des paquets de dépêches et de toutes ces lettres d'attachement, d'admiration et de bassesse, qui disparaissent avec la fortune. Après vos petites lettres, je verrai votre belle personne si je ne vais pas la rejoindre. Vous serez mon exécutrice testamentaire. Vous vendrez ma pauvre retraite. Le prix vous servira à voyager vers le soleil. Dans ce moment, il fait un temps admirable. J'aperçois en vous écrivant le Mont Blanc dans sa splendeur. Du haut du Mont Blanc, on voit l'Apennin. Il me semble que je n'ai que trois pas pour arriver à Rome où nous irons, car tout s'arrangera en France. Il ne manquait plus à notre glorieuse patrie, pour avoir passé par toutes les misères, que d'avoir un gouvernement de couards. Elle l'a, et la jeunesse va s'engloutir dans la doctrine, la littérature et la débauche, selon le caractère particulier des individus. Reste le chapitre des accidents, mais quand on traîne comme je le fais sur le chemin de la vie, l'accident le plus probable, c'est la fin du voyage. Je ne travaille point, je ne puis rien faire, je m'ennuie, c'est ma nature et je suis comme un poisson dans l'eau. Si pourtant l'eau était un peu moins profonde, je m'y plairais peut-être mieux. Au Pâquis, près Genève. Journal du 12 juillet au 1er septembre 1831. Je suis établi au Pâquis avec Madame de Chateaubriand. J'ai fait la connaissance de Monsieur Rigaud, premier syndic de Genève. Au-dessus de sa maison, au bord du lac, en remontant le chemin de Lausanne, on trouve la villa de deux commis de M. de Lapanouse, qui ont dépensé 1 500 000 francs à la faire bâtir et à planter leur jardin. Quand je passe à pied devant leur demeure, j'admire la Providence qui, dans eux et dans moi, a placé à Genève des témoins de la Restauration. Que je suis bête, que je suis bête. Le sieur de Lapanouse faisait du royalisme et de la misère avec moi. Voyez où sont parvenus ces commis pour avoir favorisé la conversion des rentes que j'avais la bonhomie de combattre et en vertu de laquelle je fus chassé. Voilà ces messieurs. Ils arrivent dans un élégant tilbury, chapeau sur l'oreille, et je suis obligé de me jeter dans un fossé pour que la roue n'emporte pas un pan de ma vieille redingote. J'ai pourtant été pair de France, ministre, ambassadeur, et j'ai dans une boîte de carton tous les premiers ordres de la chrétienté, y compris le Saint-Esprit et la toison d'or. Si les commis du sieur César de la Panouse, millionnaire, voulaient m'acheter ma boîte de rubans pour leur femme, ils me feraient un sensible plaisir. Pourtant, tout n'est pas rose pour messieurs B. Ils ne sont pas encore nobles genevois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore à la seconde génération, que leur mère habite encore le bas de la ville, et n'est pas montée dans le quartier de Saint-Pierre, le faubourg Saint-Germain de Genève. Mais, Dieu aidant, noblesse viendra après argent. Ce fut en 1805 que je vis Genève pour la première fois. Si 2000 ans s'étaient écoulés entre les deux époques de mes deux voyages, seraient-elles plus séparées l'une de l'autre qu'elles ne le sont ? Genève appartenait à la France. Bonaparte brillait dans toute sa gloire, Madame de Staël dans toute la sienne. Il n'était pas plus question des Bourbons que s'ils n'eussent jamais existé. Et Bonaparte et Madame de Staël et les Bourbons, que sont-ils devenus ? Et moi, je suis encore là. Monsieur de Constant, cousin de Benjamin Constant, et Mademoiselle de Constant, vieille fille pleine d'esprit, de vertus et de talent, habitent leur cabane de sous-terre au bord du Rhône. Ils sont dominés par une autre maison de campagne, jadis à Monsieur de Constant. Il l'a vendue à la princesse Belgio Josso, exilée milanaise que j'ai vue passer comme une pâle fleur à travers la fête que je donnais à Rome à la grande duchesse Hélène. Pendant mes promenades en bateau, un vieux rameur me raconte ce que faisait Lord Byron, dont on aperçoit la demeure sur la rive savoyarde du lac. Le noble père attendait qu'une tempête s'élevât pour naviguer. Du bord de sa balancelle, il se jetait à la nage et allait au milieu du vent aborder aux prisons féodales de Bonivard. C'était toujours l'acteur et le poète. Je ne suis pas si original, j'aime aussi les orages, mais mes amours avec eux sont secrets et je n'en fais pas confidence aux bateliers. J'ai découvert derrière Ferney une étroite vallée où coule un filet d'eau de 7 à 8 pouces de profondeur. Ce ruisselet lave la racine de quelques saules, se cache çà et là sous des plaques de cresson et fait trembler des joncs sur la cime desquels se posent des demoiselles aux ailes bleues. L'homme des trompettes a-t-il jamais vu cet asile de silence tout contre sa retentissante maison ? Non, sans doute. Eh bien, l'eau est là, elle fuit encore. Je ne sais pas son nom, elle n'en a peut-être pas. Les jours de Voltaire se sont écoulés, seulement sa renommée fait encore un peu de bruit dans un petit coin de notre petite terre, comme ce ruisselet se fait entendre à une douzaine de pas de ses bords. On diffère les uns des autres. Je suis charmé de cette rigole déserte. À la vue des Alpes, une palmette de fougères que je cueille me ravit. Le susurrement d'une vague parmi des cailloux me rend tout heureux. Un insecte imperceptible qui ne sera vu que de moi et qui s'enfonce sous une mousse, ainsi que dans une vaste solitude, occupe mes regards et me fait rêver. Ce sont là d'intimes misères inconnues du beau génie qui, près d'ici, déguisé en Orosmane, jouait ses tragédies, écrivait au prince de la terre et forçait l'Europe à venir l'admirer dans le hameau de Ferney. Mais n'était-ce pas là aussi des misères ? La transition du monde ne vaut pas le passage de ses flots, et quant au roi, j'aime mieux ma fourmi. Une chose m'étonne toujours quand je pense à Voltaire. Avec un esprit supérieur, raisonnable, éclairé, il est resté complètement étranger au christianisme. Jamais il n'a vu ce que chacun voit, que l'établissement de l'Évangile, à ne considérer que le rapport humain, est la plus grande révolution qui se soit opérée sur la terre. Il est vrai de dire qu'au siècle de Voltaire, cette idée n'était venue dans la tête de personne. Les théologiens défendaient le christianisme comme un fait accompli, comme une vérité fondée sur des lois émanées de l'autorité spirituelle et temporelle. Les philosophes l'attaquaient comme un abus venu des prêtres et des rois. On n'allait pas plus loin que cela. Je ne doute pas que si l'on eût pu présenter tout à coup à Voltaire l'autre côté de la question, son intelligence lucide et prompte n'en eût été frappée. On rougit de la manière mesquine et bornée dont il traitait un sujet qui n'embrasse rien moins que la transformation des peuples, l'introduction de la morale, un principe nouveau de société, un autre droit des gens, un autre ordre d'idées, le changement total de l'humanité. Malheureusement, le grand écrivain qui se perd en répandant des idées funestes entraîne beaucoup d'esprits d'une moindre étendue dans sa chute. Il ressemble à ces anciens despotes de l'Orient sur le tombeau desquels on immolait des esclaves. Là, à Ferney, où il n'entre plus personne, à ce Ferney autour duquel je viens rôder seul, que de personnages célèbres sont accourus. Ils dorment, rassemblés pour jamais au fond des lettres de Voltaire, leur temple hypogé. Le souffle d'un siècle s'affaiblit par degrés et s'éteint dans le silence éternel à mesure que l'on commence à entendre la respiration d'un autre siècle. Au Pâquis près Genève, 15 septembre 1831. Oh, argent que j'ai tant méprisé et que je ne puis aimer quoi que je fasse, je suis forcé d'avouer pourtant ton mérite. Source de la liberté, tu arranges mille choses dans notre existence où tout est difficile sans toi. Excepté la gloire que ne peux-tu pas procurer. Avec toi on est beau, jeune, adoré. On a considération, honneur, qualité, vertu. Vous me direz qu'avec de l'argent on n'a que l'apparence de tout cela. Qu'importe si je crois vrai ce qui est faux. Trompez-moi bien et je vous tiens quitte du reste. La vie est-elle autre chose qu'un mensonge? Quand on n'a point d'argent, on est dans la dépendance de toutes choses et de tout le monde. Deux créatures qui ne se conviennent pas pourraient aller chacune de son côté. Eh bien, faute de quelques pistoles, il faut qu'elles restent là, en face l'une de l'autre, à se bouder, à se maugréer, à s'aigrir l'humeur, à s'avaler la langue d'ennui, à se manger l'âme et le blanc des yeux, à se faire, en enrageant, le sacrifice mutuel de leurs goûts, de leurs penchants, de leur façon naturelle de vivre. La misère les serre l'une contre l'autre, et dans ces liens de gueux, au lieu de s'embrasser, elles se mordent, mais non pas comme Flora mordait Pompée. Sans argent, nul moyen de fuite. On ne peut aller chercher un autre soleil, et avec une âme fière, on porte incessamment des chaînes. Heureux juifs, marchands de crucifix, qui gouvernez aujourd'hui la chrétienté, qui décidez de la paix ou de la guerre, qui mangez du cochon après avoir vendu de vieux chapeaux, qui êtes les favoris des rois et des belles, tout laids et tout sales que vous êtes. Ah, si vous vouliez changer de peau avec moi, si je pouvais au moins me glisser dans vos coffres-forts, vous voler ce que vous avez dérobé à des fils de famille, je serais le plus heureux homme du monde. J'aurais bien un moyen d'exister, je pourrais m'adresser au monarque. Comme j'ai tout perdu pour leur couronne, il serait assez juste qu'ils me nourrissent. Mais cette idée qui devrait leur venir ne leur vient pas, et à moi elle vient encore moins. Plutôt que de m'asseoir au banquet des rois, j'aimerais mieux recommencer la diète que je fis autrefois à Londres avec mon pauvre ami Hingant. Toutefois, le retent des greniers est passé, non que je m'y trouvasse fort bien, mais j'y manquerais d'aise. J'y tiendrais trop de place avec les falbalas de ma renommée. Je n'y serais plus avec ma seule chemise et la taille fine d'un inconnu qui n'a point dîné. Mon cousin de la boîte Ardenne n'est plus là pour jouer du violon sur mon grabat, dans sa robe rouge de conseiller au Parlement de Bretagne, et pour se tenir chaud la nuit, couvert d'une chaise en guise de courtepointe. Pelletier n'est plus là pour nous donner à dîner avec l'argent du roi Christophe. Et surtout la magicienne n'est plus là, la jeunesse, qui, par un sourire, change l'indigence en trésor, qui vous amène pour maîtresse sa sœur cadette, l'espérance. Celle-ci, aussi trompeuse que son aînée, mais revenant encore quand l'autre a fui pour toujours. J'avais oublié les détresses de ma première émigration, et je m'étais figuré qu'il suffisait de quitter la France pour conserver en paix l'honneur dans l'exil. Les alouettes ne tombent toutes rôties qu'à ceux qui moissonnent le champ, non à ceux qui l'ont semé. S'il ne s'agissait que de moi, dans un hôpital, je me trouverais à merveille. Mais madame de Chateaubriand, je n'ai donc pas été plutôt fixée qu'en jetant les yeux sur l'avenir, l'inquiétude m'a pris. On m'écrivait de Paris qu'on ne trouvait à vendre ma maison rue d'Enfer qu'à des prix qui ne suffiraient pas pour purger les hypothèques dont cet ermitage est grevé, que cependant quelque chose pourrait s'arranger si j'étais là. D'après ce mot, j'ai fait à Paris une course inutile car je n'ai trouvé ni bonne volonté ni acquéreur. Mais j'ai revu l'abbaye au bois et quelques-uns de mes nouveaux amis. La veille de mon retour ici, j'ai dîné au Café de Paris avec messieurs Arago, Pouqueville, Carrel et Béranger, tous plus ou moins mécontents et déçus par la meilleure des républiques. Au Pakis, près de Genève, 26 septembre 1831. Mes études historiques me mirent en rapport avec M. Carrel, comme elles m'ont fait connaître M. Thiers et Mignet. J'avais copié dans la préface de ces études un assez long passage de la guerre de Catalogne par M. Carrel, et surtout ce paragraphe, les choses dans leurs continuelles et fatales transformations n'entraînent point avec elles toutes les intelligences. Elles ne donnent point tous les caractères avec une égale facilité. Elles ne prennent pas même soin de tous les intérêts. C'est ce qu'il faut comprendre et pardonner quelque chose aux protestations qui s'élèvent en faveur du passé. Quand une époque est finie, le moule est brisé. Il suffit à la Providence qui ne se puisse refaire. Mais des débris restés à terre, il en est quelquefois de beaux à contempler. À la suite de ces belles paroles, j'ajoutai moi-même ce résumé. L'homme qui a pu écrire ces mots a de quoi sympathiser avec ceux qui ont foi à la Providence, qui respectent la religion du passé et qui ont aussi les yeux attachés sur des débris. M. Carrel vint me remercier. Il était à la fois le courage et le talent du National auquel il travaillait avec messieurs Thiers et Mignet. M. Carrel appartient à une famille de Rouen, pieuse et royaliste. La légitimité aveugle et qui rarement distinguait le mérite, méconnut M. Carrel. Fier et sentant sa valeur, il se réfugia dans des opinions dangereuses où l'on trouve une compensation au sacrifice qu'on s'impose. Il lui est arrivé ce qui arrive à tous les caractères aptes au grand mouvement. Quand des circonstances imprévues les obligent à se renfermer dans un cercle étroit, ils consument des facultés surabondantes en efforts qui dépassent les opinions et les événements du jour. Avant les révolutions, des hommes supérieurs meurent inconnus. Leur public n'est pas encore venu. Après les révolutions, des hommes supérieurs meurent délaissés. Leur public s'est retiré. M. Carrel n'est pas heureux. Rien de plus positif que ses idées, rien de plus romanesque que sa vie. Volontaire républicain en Espagne en 1823, pris sur le champ de bataille, condamné à mort par les autorités françaises, échappé à 1000 dangers, l'amour se trouve mêlé aux troubles de son existence privée. Il lui faut protéger une passion qui soutient sa vie. Et cet homme de cœur, toujours prêt au grand jour à se jeter sur la pointe d'une épée, met devant lui des guichets et les ombres de la nuit. Il se promène dans les campagnes silencieuses avec une femme aimée, à cette première aube où la Diane l'appelait à l'attaque des tentes de l'ennemi. Je quitte M. Armand Carrel pour tracer quelques mots sur notre célèbre chansonnier. Vous trouverez mon récit trop court, lecteur, mais j'ai droit à votre indulgence. Son nom et ses chansons doivent être gravés dans votre mémoire. M. de Béranger n'est pas obligé, comme M. Carrel, de cacher ses amours. Après avoir chanté la liberté et les vertus populaires en bravant la geôle des rois, il met ses amours dans un couplet et voilà Lisette, immortelle. Près de la barrière des martyrs, sous Montmartre, on voit la rue de la Tour d'Auvergne. Dans cette rue à moitié bâtie, à demi pavée, dans une petite maison retirée derrière un petit jardin, et calculée sur la modicité des fortunes actuelles, vous trouverez l'illustre chansonnier. Une tête chauve, un air un peu rustique mais fin et voluptueux, annonce le poète. Je repose avec plaisir mes yeux sur cette figure plébéienne, après avoir regardé tant de faces royales. Je compare ces types si différents. Sur les fronts monarchiques, on voit quelque chose d'une nature élevée, mais flétrie, impuissante, effacée. Sur les fronts démocratiques paraît une nature physique commune, mais on reconnaît une nature intellectuelle, haute. Le front monarchique a perdu la couronne, le front populaire l'attend. Je priais un jour Béranger, qu'il me pardonne s'il me rend aussi familier que sa renommée. Je le priais de me montrer quelques-uns de ses ouvrages inconnus. « Savez-vous, me dit-il, que j'ai commencé par être votre disciple ? J'étais fou du génie du christianisme et j'ai fait des idylles chrétiennes. Ce sont des scènes de curés de campagne, des tableaux du culte dans les villages et au milieu des moissons. M. Augustin Thierry m'a dit que la bataille des Francs, dans Les Martyrs, lui avait donné l'idée d'une nouvelle manière d'écrire l'histoire. rien ne m'a plus flatté que de trouver mon souvenir placé au commencement du talent de l'historien Thierry et du poète Béranger. Notre chansonnier a les diverses qualités que Voltaire exige pour la chanson. Pour bien réussir à ses petits ouvrages, dit l'auteur de tant de poésies gracieuses, il faut dans l'esprit de la finesse et du sentiment avoir de l'harmonie dans la tête, ne point trop s'abaisser, et savoir n'être pas trop long. Béranger a plusieurs muses, toutes charmantes, et quand ses muses sont des femmes, il les aime toutes. Lorsqu'il en est trahi, il ne tourne point à l'élégie. Et pourtant un sentiment de pieuse tristesse est au fond de sa gaieté. C'est une figure sérieuse qui sourit. C'est la philosophie qui prie. Mon amitié pour Béranger m'a valu bien des étonnements de la part de ce qu'on appelait mon parti. Un vieux chevalier de Saint-Louis, qui m'est inconnu, m'écrivait du fond de sa tourelle « Réjouissez-vous, monsieur, d'être loué par celui qui a souffleté votre roi et votre Dieu. » « Très bien, mon brave gentilhomme, vous êtes poète aussi. » À la fin d'un dîner au Café de Paris, dîner que je donnais à messieurs Béranger et Armand Carrel avant mon départ pour la Suisse, monsieur Béranger nous chanta l'admirable chanson imprimée « Chateaubriand, pourquoi fuir ta patrie, fuir son amour, notre encens et nos soins ?» On y remarquait cette strophe sur les Bourbons. « Et tu voudrais t'attacher à leur chute ?» Connais donc mieux leur folle vanité. Au rang des mots qu'au ciel même elle impute, leur cœur ingrat met ta fidélité. À cette chanson qui est de l'histoire du temps, je répondis de la Suisse par une lettre qu'on voit imprimée en tête de ma brochure sur la proposition Bricqueville. Je lui disais, « Du lieu où je vous écris, monsieur, j'aperçois la maison de campagne qu'habita Lord Byron et les toits du château de Madame de Staël. Où est le barde de Childe Harold ? Où est l'auteur de Corinne ? Ma trop longue vie ressemble à ces voies romaines bordées de monuments funèbres. » Je retournai à Genève, je ramenai ensuite Madame de Chateaubriand à Paris et rapportai le manuscrit contre la proposition Bricqueville sur le bannissement des Bourbons, proposition prise en considération dans la séance des députés du 17 septembre de cette année 1831. Les uns attachent leur vie au succès, les autres au malheur. Paris, rue d'Enfer, fin de novembre 1831. De retour à Paris le 11 octobre, je publiai ma brochure vers la fin du même mois. Elle a pour titre « De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de sa famille » ou « Suite de mon dernier écrit de la restauration et de la monarchie élective ». Quand ces mémoires posthumes paraîtront, la polémique quotidienne, les événements pour lesquels on se passionne à l'heure actuelle de ma vie, les adversaires que je combats, même l'acte du bannissement de Charles X et de sa famille, compteront-ils pour quelque chose? C'est là l'inconvénient de tout journal. On y trouve des discussions animées sur des sujets devenus indifférents. Le lecteur voit passer comme des ombres une foule de personnages dont il ne retient pas même le nom, figurants muets qui remplissent le fond de la scène. Toutefois, c'est dans ces parties arides des chroniques que l'on recueille les observations et les faits de l'histoire de l'homme et des hommes. Je mis d'abord au commencement de la brochure le décret proposé successivement par messieurs Baude et Bricqueville. Après avoir examiné les 5 parties que l'on avait à prendre après la Révolution de juillet, je dis « La pire des périodes que nous ayons parcourues semble être celle où nous sommes, parce que l'anarchie règne dans la raison, la morale et l'intelligence. L'existence des nations est plus longue que celle des individus. Un homme paralytique reste quelquefois étendu sur sa couche plusieurs années avant de disparaître. Une nation infirme demeure longtemps sur son lit avant d'expirer. Ce qu'il fallait à la royauté nouvelle, c'était de l'élan, de la jeunesse, de l'intrépidité, tourner le dos au passé, marcher avec la France à la rencontre de l'avenir. De cela elle n'a cure. Elle s'est présentée amaigrie, débiffée par les docteurs qui la médicamentaient. Elle est arrivée piteuse, les mains vides, n'ayant rien à donner, tout à recevoir, se faisant pauvrette, demandant grâce à chacun et cependant hargneuse, déclamant contre la légitimité et singeant la légitimité, contre le républicanisme et tremblant devant lui. Ce système, pensu, ne voit d'ennemis que dans deux oppositions qu'il menace. Pour se soutenir, il s'est composé une phalange des vétérans réengagistes. S'ils portaient autant de chevrons qu'ils ont fait de serments, ils auraient la manche plus bariolée que la livrée des Montmorency. Je doute que la liberté se plaise longtemps à ce pot-au-feu d'une monarchie domestique. Les Francs l'avaient placée, cette liberté, dans un camp. Elle a conservé chez leurs descendants le goût et l'amour de son premier berceau. Comme l'ancienne royauté, elle veut être élevée sur le pavois et ses députés sont soldats. De cette argumentation, je passe aux détails du système suivi dans nos relations extérieures. La faute immense du Congrès de Vienne est d'avoir mis un pays militaire, comme la France, dans un état forcé d'hostilité avec les peuples riverains. Je fais voir tout ce que les étrangers ont acquis en territoire et en puissance, tout ce que nous pouvions reprendre en juillet. Grande leçon, preuve frappante de la vanité de la gloire militaire et des œuvres des conquérants. Si l'on faisait une liste des princes qui ont augmenté les possessions de la France, Bonaparte n'y figurerait pas. Charles X y occuperait une place remarquable. Passant de raisonnement en raisonnement, j'arrive à Louis-Philippe. Louis-Philippe est roi, dis-je. Il porte le sceptre de l'enfant dont il était l'héritier immédiat. De ce pupille que Charles X avait remis entre les mains du lieutenant-général du royaume, comme à un tuteur expérimenté, un dépositaire fidèle, un protecteur généreux. Dans ce château des Tuileries, au lieu d'une couche innocente, sans insomnie, sans remords, sans apparition, qu'a trouvé le prince ? Un trône vide que lui présente un spectre décapité, portant dans sa main sanglante la tête d'un autre spectre. Faut-il, pour achever, emmancher le fer de Louvel dans une loi afin de porter le dernier coup à la famille proscrite ? Si elle était poussée à ses bords par la tempête, si trop jeune encore, Henri n'avait pas les années requises à l'échafaud, eh bien, vous les maîtres, accordez-lui dispense d'âge pour mourir. Après avoir parlé au gouvernement de la France, je me retourne vers Holyrood et j'ajoute, oserais-je prendre en finissant la respectueuse liberté d'adresser quelques paroles aux hommes de l'exil ? Ils sont rentrés dans la douleur comme dans le sein de leur mère. Le malheur, séduction dont j'ai peine à me défendre, me semble avoir toujours raison. Je crains de blesser son autorité sainte et la majesté qu'il ajoute à des grandeurs insultées, qui désormais n'ont plus que moi pour flatteur. Mais je surmonterai ma faiblesse. Je m'efforcerai de faire entendre un langage qui, dans un jour d'infortune, pourrait préparer une espérance à ma patrie. L'éducation d'un prince doit être en rapport avec la forme du gouvernement et les mœurs de son pays. Or, il n'y a en France ni chevalerie, ni chevalier, ni soldats de l'oriflamme, ni gentilshommes bardés de fer, prêts à marcher à la suite du drapeau blanc. Il y a un peuple qui n'est plus le peuple d'autrefois, un peuple qui, changé par les siècles, n'a plus les anciennes habitudes et les antiques mœurs de nos pères. Qu'on déplore ou qu'on glorifie les transformations sociales advenues, il faut prendre la nation telle qu'elle est, les faits tels qu'ils sont, entrer dans l'esprit de son temps afin d'avoir action sur cet esprit. Tout est dans la main de Dieu, excepté le passé, qui, une fois tombé de cette main puissante, n'y rentre plus. Arrivera sans doute le moment où l'orphelin sortira de ce château des Stuarts, asile de mauvais augure, qui semble étendre l'ombre de la fatalité sur sa jeunesse. Le dernier né du Béarnais doit se mêler aux enfants de son âge, aller aux écoles publiques, apprendre tout ce que l'on sait aujourd'hui. Qu'il devienne le jeune homme le plus éclairé de son temps, qu'il soit au niveau des sciences de l'époque, qu'il joigne aux vertus d'un chrétien du siècle de Saint-Louis les lumières d'un chrétien de notre siècle, que des voyages l'instruisent des mœurs et des lois, qu'il ait traversé les mers, comparé les institutions et les gouvernements, les peuples libres et les peuples esclaves, que simple soldat, s'il en trouve l'occasion à l'étranger, il s'expose au péril de la guerre. Car on n'est point apte à régner sur des Français sans avoir entendu siffler le boulet. Alors, on aura fait pour lui ce qu'humainement parlant on peut faire. Mais surtout, gardez-vous de le nourrir dans les idées du droit invincible. Loin de le flatter de remonter au rang de ses pairs, préparez-le à n'y remonter jamais. Élevez-le pour être homme, non pour être roi. Là sont ses meilleures chances. C'est assez. quel que soit le conseil de Dieu, il restera au candidat de ma tendre et pieuse fidélité une majesté des âges que les hommes ne lui peuvent ravir. 1000 ans noués à sa jeune tête le pareront toujours d'une pompe au-dessus de celle de tous les monarques. Si, dans la condition privée, il porte bien ce diadème de jour, de souvenirs et de gloire, si sa main soulève sans effort ce sceptre du temps que lui ont légué ses aïeux, quel empire pourrait-il regretter ? Fin de la section 2.